Hello and welcome, bonjour, c'est la Croisière Folk dans vos oreilles, j'espère que tout va bien chez vous. Alors on est parti de nouveau pour un beau voyage de 60 minutes pour découvrir toutes les facettes de la musique folk. La musique folk, sachez-le, c'est une amplification de la vie sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais absolument rien, mais j'aimais bien la citation. On a une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. N'hésitez pas, bien sûr, à la visiter, à la liker, à me laisser un petit mot. Et puis, à propos de petits mots, lacroisièrefolk@yahoo.com. If you want to write to me, do not hesitate to use my email address, lacroisierefolk@yahoo.com, and please, please like our Facebook page, La Croisière Folk. Voilà, comme ça, eh bien, le monde entier a compris le message. On a démarré avec la chanson Faut croire, extrait de l'album Enfiler mes bottes, un album qui est sorti le 13 octobre, un album bilingue français-anglais de Émilie Landry. On l'attendait avec impatience. Et puis un nouvel album aussi pour Santiano, La nostalgie est mon gouvernail, le meilleur des 10 ans. Alors le titre est en allemand, mais j'ai préféré vous le donner en français. Et on écoute un titre, une reprise de Faune, d'ailleurs ils font un duo avec Faune, hein, qui est aussi un groupe de folk rock allemand, Tanz mit mir. Et c'est deux CD qui sont sortis en 2022. Donc n'hésitez pas. Alors pourquoi ils s'appellent Santiano ? Eh bien parce qu'ils aimaient la chanson de Hugo Frey et qu'ils se sont dit bah voilà, on va reprendre ça pour notre nom de groupe. Boubé Dame Conning ensuite avec maintenant Le printemps veut nous saluer. Là aussi, j'ai pris la traduction en français parce que voilà. Et ça vient d'un album de 2015, Traum Landline, qui veut dire le pays des rêves pour ce trio de folk qui vient d'Allemagne, Boubé Dame Conning. Ils font des chouettes trucs hein, en Allemagne quand même. Et il y aura aussi Fairport Convention, The Ballad of Easy Rider. Voilà, donc c'est le menu d'introduction de cette croisière folk. J'espère que vous allez rester avec nous. On va faire un merveilleux voyage. Et puis ne l'oubliez pas, chez nous, eh bien sachez-le, il y a du folk à tous les étages. Et vous voyez la terrasse ? Eh bien sur la terrasse, il y a des bananes. Je suis en plein drame familial, là, foutez-moi la paix. Bring den Wein zu mir, denn mir ist nach Wein und Weib. Ich schenk dir einmal, wenn du tanzt mit mir. Wenn du tanzt mit mir, dann komm ich zu dir. Ich schenk dir einmal, wenn du tanzt mit mir. Dann bekommst du Wein und Weib. Oh komm, du Schöne, auf den Tisch hinauf, komm, wir tanzen drauf. Oh komm, du Schöne, auf den Tisch hinauf, denn es soll uns jeder sehen. Ich komm hinauf für einen Kuss von dir, einen Kuss von dir, ja, den wünsch ich mir. Ich komm hinauf. Die Sünde lockt und das Fleisch ist schwach, so wird es immer sein. Die Nacht ist jung und der Teufel lacht, komm, wir schenken uns jetzt ein. Schöne, teil das Bett mit mir, teil das Bett mit mir, lass ich nicht so frier. Und später, schöne, teil das Bett mit mir, es soll nicht ein Schaden sein. Doch nur wenn du halt keine andere küsst, keine andere küsst, wenn du treu mir bist. Doch nur wenn du halt keine andere küsst, dann schläfst du wohl allein. Leib an Leib. geht es low. Aus allen Ecken sprießen die Blumen rot und blau. Draußen lobt die braune Heide sich ein Gewand gar fein und lädt im Festtagskleide zum Maientänze ein. From this road to À l'instant, Fairport Convention avec The Ballad of Easy Rider. Et je vous propose tout de suite de retrouver notre séquence 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. La séquence 1, 2, 3 aujourd'hui nous amène au Québec avec le nouvel album de Jonathan Bélanger qui s'appelle Le Passe-Temps. Alors il est musicien, interprète et compositeur et Jonathan Bélanger se consacre à son art depuis près de 20 ans. La mandoline est pour lui une passion et c'est en voyageant en Grèce et en Italie qu'il découvre la richesse de cet instrument. Il s'est ensuite perfectionné en France dans le style classique. En plus de tout cela, eh bien, il faut savoir qu'il est titulaire d'un diplôme en composition de musique de film de l'UQAM. C'est l'Université du Québec à Montréal. Sorti le 7 octobre, Le Passe-Temps, c'est cet album qu'on va découvrir. C'est un EP qui met en lumière les origines populaires de la mandoline au Québec et qui nous fera découvrir ce style musical un peu trop peu connu. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus et entre autres peut-être aller à ses concerts, jobbelanger.com. Donc jobbelanger.com. On écoutera trois morceaux, Clara Valls, Gigue et La Belle de l'Aéroplane. 1, 2, 3. Thank you. C'est un très chouette album que l'on découvrait dans cette chronique 1, 2, 3. Je rappelle, la chronique 1, 2, 3, c'est trois chansons qui vous permettent de découvrir un album. C'était l'album de Jonathan Bélanger, Le Passe-Temps. On écoutait trois morceaux, Clara Valls, Gigue et La Belle de l'Aéroplane. Et tout de suite, voici notre chronique Évadez-vous. Et je vous propose, grâce au guide du routard paru chez Hachette, c'est nos 1200 coups de cœur du monde, de voir ce qu'on peut faire si jamais vous allez à Québec. Vous pouvez vous promener dans les rues de la vieille ville, c'est un vrai décor de théâtre. Fondé au début du XVIIe siècle par le français Samuel de Champlain, Québec a gardé son côté vieille Europe très séduisant. À l'intérieur des murs de la ville haute, on se croirait dans une ville de province digne d'un film de KPDP, encore plus magique le soir lorsque les places, bâtiments et ruelles s'illuminent façon décor de théâtre. Vous pouvez bien sûr aussi faire le plein de culture, de musées en site historique avec un point d'orgue, c'est le passionnant musée de la civilisation. Un bonjour à tous les Québécois qui nous écoutent. J'espère qu'ils apprécient l'émission, qu'ils n'hésitent pas bien sûr à nous laisser un petit message sur la page Facebook La Croisière Folk. Allez, voici tout de suite Banty Holler avec Take It From Me. Banty Holler, c'est un duo américana composé de Neil Coe et au chant de Gaisbert Dittoway. Gaisbert, c'est un vétéran de la scène rock et roots et un professeur de guitare basé à La Haye en à La Haye, donc c'est aux Pays-Bas. Carrément Chaud ensuite avec Mamouzelle, un groupe breton créé en 86, et ce morceau Mamouzelle est extrait de la compile des 20 ans qui est sortie en 2013. Et puis Bellarue avec Chanter, Boire et Rire, Rire, c'est une bourrée à deux temps, extrait de leur album Gravure 2018. C'est un groupe italien, donc pour la petite histoire, après des années passées à voyager et à jouer de la musique de danse traditionnelle en Italie et en Europe, quatre jeunes musiciens ont décidé d'unir leurs forces dans ce nouveau projet Bellarue. Alors Bellarue, en dialecte piémontais, c'est ceux qui aiment danser. Et puis juste après la musique, il y aura notre séquence poésie. That bottle, baby, like it's going out of style. Can you say full throttle wild turkey, mad dog, hog wild, putting all of my eggs in a basket called crazy? Daddy said, son, this life ain't much or nothing. You can take it from me. Lost my job at the plant, so now I work out of this here store. Ain't no real true blue collar USA anymore. Call it the home of the brave. Call it the land of the free. Daddy said, son, this life ain't much of nothing. You can take it from me. Time for death. Got their memory and methamphetamine all in my head. They said things just ain't like what they used to be. Daddy said, son, this life ain't much or nothing. You can take it from me. Now I got a mean old mama with the one good eye. She knows what's coming in there, great by and by. Should get cleaned up, but for what? I just cannot see. Daddy said, son, this life ain't much of nothing. Better make it what you want it to be. Mais vous connaissez l'origine du café liégeois ? Non. Eh bien, ce sont les Français qui, justement, pendant la guerre, étaient stupéfaits de la résistance des Belges en 14-18. Et eux, à Paris, servaient du café viennois. Ouais. Mais comme Vienne, c'était l'Autriche, c'était l'ennemi, donc ils ont supprimé viennois et ils ont mis liégeois à la place. Ah, c'est une vérité, ça aussi. Vérité, oui. Ouais, c'est une histoire belge sérieuse. Alors. Parce que parfois, on peut se prendre un petit peu au sérieux, quand même. On peut pas toujours passer pour un idiot. Les gens qui ont de l'humour ne sont pas spécialement des idiots. Ils sont pas spécialement intelligents non plus. Hein. Il y en a qui sont alvenalves, comme on dit. Alors, stop. Ça veut dire quoi, alvenalve ? Bon, pas nécessairement intelligent, mais pas nécessairement con. Ils sont moitié-moitié. Moitié-moitié. Half and half. Moitié-moitié. Ouais, voilà. Commence la semaine, que dit tes chers voisins? Commençons par les bons vents et finissons de même. Commence la semaine, que dit tes chers voisins? Commençons par les bons vents et finissons de même. Vaut mieux mon d'argent, j'en de boire rire, rire. Vaut mieux mon d'argent, j'en de boire rire souvent. Vaut mieux mon d'argent, j'en de boire rire, rire. Vaut mieux mon d'argent, j'en de boire rire souvent. Notre terre nous prêche la sobriété du vent. Au diable sans latin, je saute que mon nuit même. Notre terre nous prêche la sobriété du vent. Au diable sans latin, je saute que mon nuit même. Vaut mieux mon d'argent, j'en de boire rire, rire. Vaut mieux mon d'argent, j'en de boire rire. Au mieux mon d'argent, chante et bois rire, rire. Au mieux mon d'argent, chante et bois rire souvent. savez, depuis quelques semaines, nous avons un partenariat avec une ASBL, donc c'est l'équivalent en France d'une association de fête 1901, je pense. C'est Thalie Envolée, c'est un projet artistique innovant et philanthropique. Leur but, c'est de rendre la poésie plus accessible parce qu'elle est encore et toujours vivante. Si vous voulez écouter de la poésie et peut-être voir leur spectacle, être au courant de leur spectacle, vous allez sur thalieenvolee.be, donc Thalie, T-H-A. Et lieu. Vous pouvez les écouter sur YouTube, sur SoundCloud et les suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Antoine Giette qui va nous interpréter un poème d'Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val. Et puis juste après, Rory Butler, Lost and Found, Richard Thompson, Seven Brothers et Rachel Bayman, Young Love. Quel programme on vous propose dans cette émission La Croisière Folk, une émission qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. Et aux commandes, le capitaine, c'est moi, Eric Cooper. Le Dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant, comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Save your best for me. Save your best for last. Never wanna ride me. Things don't wanna be asked. Is it something on? Is it something free? Money ain't my matchmakers. It never made me. Oh, I've heard and I'm tired of the words. You should open up your up all the free, make the guilty mad, never wanna ride me. Things I'm gonna be had. Is it something on, or is it just me? But making love to matchmakers never came free. I'm lost and found. There were seven brothers sat by the road, and everyone was dressed in black. They smiled at everyone who passed. They smiled at them, but none smiled back. A stranger passed along the road, says the first brother, he'll be mine soon. I clot the blood within his veins, and his heart will burst like a child's balloon. Another stranger passed them by, says the second brother, soon he will moan. He'll feel the claws dig at his bowels, and he'll pray to the god he's never known. Another stranger passing by says the third brother, the job's in hand. With corruption, I'll fill his lungs, and he'll drown, standing on dry land. Another stranger passed them by, says the fourth brother, the seed is sown. I'll darken his mind with helplessness, and the hand on the gun will be his own. Stranger passed them by, says the fifth brother, his race is run. I'll send his car to the edge of the cliff, and friends will mourn, he died too young. Another stranger passed them by, says the sixth brother, he'll try to hide. He'll seal up a crack in pain and door, but still the plague will get inside. A stranger passing by says the seventh brother, this one I'll reap. Peacefully in his old age, his breath will falter in his sleep. There were seven brothers sat by the road, watching the human promenade, filling their appointment books, working at the father's tread. There were seven brothers sat by the road, and none could look them in the eye. They sent a shiver through the bones of every soul who passed them by. It's simply an accident of birth that I'm not even more important. Even aristocratic. No, they scale the cliff, all calm and steady. No, they build a wheel, giving something to. All unsteady.

seinen Hand. Melk en honing en